Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Je ne voudrais pas du tout gâcher la fin de votre journée, mais j'aimerais quand même savoir si vous avez rempli votre déclaration d'impôt. Il se pourrait très bien que non. Pourtant, je dois vous rappeler que vous n'avez que jusqu'au 26 mai prochain pour le faire si vous appartenez à la première zone des contribuables, autrement dit les départements compris entre 1 et 19. Mais voilà, vous avez probablement procrastiné et la procrastination, cela peut donner des super fails terribles comme celui-ci. Souvenez-vous, la phobie administrative de Thomas Thévenoud, restez 9 jours seulement, au poste de secrétaire d'État, c'était en 2014. Membre de la mission d'enquête parlementaire dans l'affaire Cahuzac, il n'avait pas eu de mots assez durs pour l'ancien ministre délégué au budget. Quant aux fraudeurs, il les exhortait en octobre dernier à faire repentance. Des déclarations qui résonnent étrangement depuis l'annonce de la démission de Thomas Thévenoud. J'ai démissionné du gouvernement en raison de retards de déclaration et de paiement au fisc désormais intégralement régularisé. Selon nos informations, Thomas Thévenoud n'aurait pas déclaré ses revenus depuis 3 ans. Il a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, une procédure qui permet à l'administration fiscale de taxer le contribuable défaillant sur la base des éléments dont elle dispose, salaire, dépenses, train de vie. Thomas Thévenoud reconnaît avoir réglé des pénalités. Il aura perdu en plus son portefeuille de ministre. Alors pourquoi procrastine-t-on ? Pour le savoir, je suis allé interroger un docteur en neurosciences et psychologue, Albert Moukébert. Il nous explique en quoi consiste ce phénomène étrange capable de nous faire louper les échéances les plus importantes. On pourrait définir la procrastination comme vouloir faire quelque chose et le remettre pour plus tard ou ne pas réussir à le faire. D'un point de vue plus formel, on a un concept qui s'appelle le trou intention-action. C'est le temps qu'il y a entre quand j'ai l'intention de faire quelque chose et que je le matérialise en action. Et la procrastination est une forme de ce qu'on appelle en anglais le intention-action gap, le trou intention-action. C'est un trou intention-action qui est plus grand, plus large que ce que je voudrais. On remarque quand même que la procrastination affecte souvent des projets peu enthousiasmants, dont font partie par exemple les déclarations d'impôts, les obligations administratives. Alors est-ce que la procrastination est une affaire d'envie ? Pas nécessairement juste l'envie. Des fois, on a l'envie, mais par exemple, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Il y a plusieurs facteurs qui vont venir moduler comment on procrastine. Donc des fois, ça peut être effectivement des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui sont barbants, comme par exemple faire ses impôts ou faire de l'administration, la fameuse phobie administrative. Des fois, c'est des choses qui paraissent très compliquées. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Je veux écrire un livre et ça me paraît quelque chose de très dur et du coup je ne sais pas comment démarrer. Là aussi il y a plusieurs facteurs qui viennent moduler comment on procrastine. On peut parler de 3 piliers assez importants. Le premier c'est ce qu'on appelle le coût de l'initiation de l'action. Donc combien est-ce que c'est dur de démarrer mon action. Le deuxième c'est le coût du maintien d'une action. Combien est-ce que c'est facile de maintenir une fois que j'ai démarré. Et le troisième, c'est un peu la récompense. Est-ce que la récompense que j'ai du fait de faire mon action va être rapide ou va prendre énormément de temps ? Par exemple, faire du sport, parce que, je sais pas, j'ai une mauvaise posture ou je suis pas en très bonne santé, la récompense va venir dans très longtemps. Et du coup, peut-être que l'initiation de l'action, aller une fois à la salle de sport peut être facile ou me mettre chez moi et faire 10 pompes un jour. Le coût d'initiation peut être simple, mais le coût de maintien, faire ça tous les jours, va être plus compliqué et la récompense va prendre plus de temps. Donc ça dépend vraiment de ces différents facteurs, entre combien est-ce que c'est facile d'initier mon action, combien est-ce que ça me coûte de maintenir mon action et quelle est l'attente que j'ai d'une récompense. 1996, toujours à la Poste du Louvre à Paris, le constat reste le même. Les Français et les impôts, ça fait 2. Et pourquoi vous êtes arrivé si tard ? En retard, on peut le dire. Parce que je suis toujours en retard. À l'époque, pas de déclaration sur internet mais seulement sur papier. Les contraintes sont plus nombreuses, il faut une enveloppe, se déplacer à la poste, parfois même sortir la calculette. Et ça, ça demande un effort. Pourquoi est-ce que vous y prenez si tard pour calculer vos impôts ? Parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, calculer, il y a d'autres choses à faire dans la vie que de calculer. Oui, à l'époque, les retardataires de la Poste du Louvre justifiaient leur retard par une démarche assez complexe. Mais comment explique-t-on qu'en 2021, malgré les efforts du gouvernement pour rendre, je ne sais pas, cette déclaration plus simple et numérique, eh bien, malgré tout, on rechigne toujours à la tâche. Albert Moukébert nous donne quelques explications. Il y a un modèle théorique de ce qu'on appelle la théorie motivationnelle, le modèle temporel motivationnel, qui a fait une sorte de formule. Et je pense que ça s'applique très bien sur l'exemple des impôts. C'est-à-dire la motivation de vouloir faire quelque chose dépend de, dans ce cas-là, de quatre facteurs. Le premier, c'est combien est-ce que je pense que je vais réussir à faire ce que je vais faire. Le deuxième, c'est la valeur qui est associée au résultat. Mais il y a deux autres facteurs qui peuvent venir contrer ces deux premiers facteurs, qui sont l'impulsivité. Combien est-ce que je peux déléguer une action dans le temps, combien est-ce que je peux remettre à plus tard, et combien de temps ça va me prendre. Et par exemple, dans le cas de la déclaration d'impôt, la probabilité de réussir, mon effet d'attente est relativement bon, je pense, mais la valeur n'est pas énorme, parce que, oui, c'est vrai qu'il faut remplir ses impôts, mais on sait que si je le fais pas directement le jour de l'ouverture des services de déclaration, j'ai quand même un peu de marge de manœuvre. Du coup, c'est quelque chose qui est facile à délayer, facile à remettre à plus tard. Et l'impulsivité, là aussi, est assez élevée. Au pire, je me dis, j'envoie une lettre au service des impôts, je leur dis, j'étais en retard, est-ce que vous pouvez m'accorder une remise gracieuse, etc. Et du coup, il faut aussi se connecter sur Internet, il faut aller chercher ses fiches de paie, trouver quel est le montant que je dois déclarer. Donc, il y a plein de petites couches, on appelle ça des couches de friction. Il y a beaucoup de couches de friction qui vont venir se condenser pour quelque chose qui est relativement assez simple, surtout depuis les déclarations en ligne. Je peux juste me connecter en quelques clics et le faire. Devient quelque chose qui est très facile à justement procrastiner et justement dans ce modèle temporel de la motivation à faire en sorte que ma motivation diminue. Et le problème, c'est que plus je vais procrastiner l'action et moins j'ai de chances de la faire. Et c'est souvent soit quand je reçois le 10e email de relance, soit quand je suis à une minute de la fermeture des services, que je me dis, oula, là, il faut que je le fasse, je le fais le dernier jour. Pourtant, si on réfléchissait et surtout si on agissait de manière rationnelle, on pourrait se dire que faire sa déclaration d'impôt le plus vite possible, ça permet de se décharger d'un poids, ce qui devrait quand même entraîner une forme de joie, non ? Le problème, c'est qu'on n'est pas rationnel. En fait, c'est le concept de base. Pendant longtemps, on a pensé qu'on était rationnel, on s'appelait homo economicus, qu'on pèse les pour et les contre et qu'on fait l'action qui a le plus de bénéfices. Mais depuis, on a un peu pris du recul sur ce modèle et on sait qu'on peut relativement, par pas mal de moments, être irrationnel. D'ailleurs, la procrastination est très proche d'un concept qui s'appelle l'akrasie, du grec de a qui veut dire non et kratos, le pouvoir, de ne pas avoir de pouvoir, qui pendant longtemps a été considéré comme une faiblesse de la volonté, que j'ai pas la volonté de faire les choses. Alors que la procrastination, on sait aujourd'hui que c'est pas une question juste de volonté. Et du coup, on n'est pas hyper rationnel. Il y a une méta-analyse qui est sortie, qui a essayé de faire une sorte de résumé de la nature de la procrastination, pour montrer que c'est pas juste une question de volonté, c'est pas une question de qui veut peu. Et justement, ils ont identifié plein d'autres concepts, comme par exemple la distractibilité. Par exemple, pour les impôts, je peux être très facile d'être distrait et de faire autre chose, alors que je me dis dans ma intention action gap, dans ce trou intention action, que je voudrais faire ces déclarations, le contrôle de soi, l'organisation, est-ce que les autres sont en train de le faire en même temps que moi, et encore une fois, combien est-ce que je pense que je vais avoir cette récompense. Du coup, c'est le principe de base de se dire qu'on est des êtres rationnels, qu'on a besoin de revoir pour mieux comprendre la procrastination. Bon, mais alors ça veut dire que quand on exhorte nos enfants de faire leurs devoirs le plus rapidement possible pour en être débarrassés, on se trompe dans sa manière d'argumenter, d'appréhender le phénomène de la procrastination. Absolument. Et ça, c'est encore un autre concept qui est très intéressant, qui s'appelle le paradoxe de Salomon. Le roi Salomon, qui était connu pour son énorme sagesse. Et du coup, plein de gens venaient de partout pour avoir ses conseils. Mais il était relativement nul à se donner des conseils à lui-même. C'est-à-dire, on est irrationnel souvent avec soi-même, mais on est très bon à donner des conseils très rationnels aux autres. Et du coup, je vais dire à mon enfant, fais tes devoirs du soir, tu vas en être débarrassé. Et il faut que je sois assez calme et patient quand je vais voir qu'il va pas le faire. C'est un peu ce paradoxe de, on est très très bon à donner des conseils, souvent rationnels et bons aux autres, et on est relativement nul à l'appliquer sur soi-même. Mais il existe aussi des solutions pour remédier à cette tendance à la procrastination si celle-ci a des conséquences trop négatives sur notre vie. Justement, la première chose, c'est de réaliser que c'est pas une question de volonté. C'est pas se mettre la pression en mode « il faut que je le veuille » et le fait de pas y arriver, se sentir mal, on va rentrer dans une sorte de dépréciation de soi. Chaque fois qu'on se dit que c'est une question de volonté, voir quels sont les facteurs un peu, en guillemets, systémiques, quels sont les facteurs contextuels qui peuvent soit réduire le coût d'entrée à une action, par exemple, si je veux faire du sport et aller à la salle de sport, je suis pas en train de le faire, essayer de le faire chez moi, soit par exemple demander à des potes, on est des animaux sociaux, est-ce que je peux créer une sorte de norme autour de moi ou de m'entraîner avec d'autres? Si c'est un problème de coût de maintien, comment est-ce que je pourrais faire pour faire ça tous les jours? Donc identifier quels sont les facteurs extérieurs, exogènes un peu, à ma procrastination qui peuvent m'aider de le faire. Commencer des fois par plus petit. Si je veux faire quelque chose, par exemple, je sais pas, je veux arrêter de fumer, ça va pas marcher pour tout le monde d'arrêter d'un coup. Peut-être enlever une clope par jour. On appelle ça la technique des gains marginaux. Commencer par des gains très, très, très petits. Changer la temporalité. Au lieu de faire quelque chose pendant une heure, peut-être faire au début 10 minutes. S'engager à l'extérieur. Par exemple, je sais pas, je dois rendre un papier, envoyer un mail, dire vous allez l'avoir la semaine prochaine. Comme ça, je me suis engagé à quelque chose, quelqu'un d'extérieur à moi et pas juste avec moi-même. Et du coup, vraiment, ça vient souvent de changer des facteurs externes plutôt qu'une sorte de motivation interne, de me dire vas-y Albert, sois motivé, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et après, j'y arrive pas et après, je me sens encore moins bien de pas avoir réussi. Alors la procrastination peut avoir des vertus, notamment lorsque les activités que l'on repousse à plus tard sont des activités négatives. On écoute Albert Moukébert. La temporalisation peut des fois nous aider à avoir plus d'informations sur un sujet. Mais surtout, on peut aussi penser à procrastiner les choses qu'on voudrait pas faire. C'est-à-dire quand on parle de procrastination, on veut souvent procrastiner les choses qu'on doit faire. Mais est-ce que ce serait encore de la procrastination si je procrastine les choses, mes mauvaises habitudes? Je suis thérapeute avec des personnes qui viennent me consulter. Souvent, je leur demande pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas, par exemple, procrastiner leur stress. J'ai une interview à faire et ça me stresse énormément. On est encore à une semaine de l'interview. Est-ce que je pourrais pas me dire, bah, procrastine ton stress, tu stresseras plus tard. Tu fumeras ta clope plus tard. Je sais pas, si j'ai des comportements que je voudrais faire moins, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de les procrastiner? Et du coup, on pourrait procrastiner aussi des choses qui ne sont pas nécessairement urgentes à faire maintenant et que j'ai tendance à faire de manière, par exemple, ça peut être compulsive, de les délayer après coup. Et surtout aussi, la procrastination peut être, et là aussi, on est un peu entre la procrastination et la flemme, ça peut nous pousser à trouver des manières plus efficientes de faire des choses. J'ai tellement la flemme de faire un truc que je vais peut-être créer des manières de faire quelque chose, que ça soit plus efficient et donc découvrir une meilleure manière de faire les choses au lieu de la faire de la manière la plus commune. Et donc effectivement, on peut penser des fois que la procrastination, ou en tout cas la flemme, ou en tout cas l'économie d'énergie, pourrait être quelque chose d'assez positif à mettre en place. Alors, je ne sais pas si vous allez vous jeter sur votre déclaration d'impôt, puisque vous avez, je vous le rappelle, en fonction de la zone où vous résidez, entre le 26 mai et le 8 juin prochain pour le faire. J'espère en tout cas que l'écoute de ces propos sur la procrastination ne vous ont pas incité à retarder encore le moment où vous alliez commencer à remplir votre déclaration d'impôt. J'attendrai donc demain, aujourd'hui soit hier, c'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation, mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination, j'avoue que me rassure la procrastination, la procrastination. Pour finir la chanson, j'ai eu une idée formidable, mais on verra demain. Ou mardi. Superfell a été gâché par Juliette Devaux à la production, dévasté par Alexandre Billard à la technique et piétiné par Clémence Grosse et Vivien Demeyer à la réalisation. Superfait.